Chapitre 47e. Mademoiselle de Beauménil, en rentrant dans la salle de bal, aperçut, non loin de la place qu'elle venait de quitter, Gérald de Senneterre debout, appuyé contre l'embrasure d'une porte. Il était fort pâle et paraissait profondément triste. À la vue du duc de Senneterre, Ernestine se rappela le désespoir de son amie, et se demanda comment, malgré son amour pour Herminie et l'offre qu'il lui avait faite de l'épouser, Gérald venait à ce bal, où une rencontre avec elle, Ernestine, lui avait été ménagée par Madame de la Rochécu. En reconduisant à sa place la plus riche héritière de France, Madame de Senneterre lui dit avec la plus charmante affabilité « Mademoiselle, je suis chargée de vous demander une grâce de la part de mon fils. Et laquelle, madame ?»« Il vous prie de lui accorder la première contredanse, quoiqu'il ne danse pas ce soir, car il est encore souffrant. » Aussi lui a-t-il fallu un courage surhumain pour venir à ce bal. Mais il espérait avoir l'honneur de vous y rencontrer, mademoiselle, et un pareil espoir accomplit des prodiges. Mais, madame, si monsieur de Senneterre ne danse pas, à quoi lui sert de m'engager? C'est un secret qu'il va vous dire lorsque la foule des ambitieux danseurs qui vont vous assaillir d'invitations sera écoulée. Veuillez seulement vous rappeler que la première contredanse appartient à mon fils, si toutefois vous voulez bien lui accorder cette faveur. « Avec le plus grand plaisir, madame. »« Gardez-moi une place auprès de vous, ma chère, » dit la duchesse à madame de la Rochégue en la quittant. « Je vais prévenir Gérald. » En attendant monsieur de Senneterre, mademoiselle de Beauménil songeait, avec la candide satisfaction d'un cœur honnête, que monsieur de Macreuse avait trompé ses craintes. Plus elle y réfléchissait, plus la conduite du pieux jeune homme lui plaisait par sa rudesse même. Elle mettait cette austère franchise presque au niveau du sentiment qu'elle croyait avoir deviné chez Olivier, lorsque celui-ci, apprenant inopinément qu'il était nommé officier, avait jeté sur la jeune fille un regard dont elle avait compris la généreuse signification. « Ce sont de nobles et belles âmes, » se disait-elle. Mais bientôt, mademoiselle de Beauménil fut distraite de ses douces et consolantes pensées. À peine assise, elle fut assaillie d'invitation ainsi que le lui avait dit madame de Senneterre. Décidée à observer et à écouter beaucoup, l'héritière les accepta toutes, et entre autres celle de monsieur de Mornan, qui venait ensuite de cette promesse à Gérald. Très impatiente de connaître les intentions de ce dernier, et de savoir pourquoi, ne dansant pas, il l'avait engagée, Ernestine attendait avec autant d'intérêt que de curiosité l'instant où Gérald allait se rapprocher d'elle. Enfin, elle le vit quitter sa place, après avoir dit quelques mots à l'oreille de monsieur de Maillefort, qu'Ernestine retrouvait pour la première fois depuis leur mystérieuse rencontre chez Herminie. À l'aspect du bossu, l'orpheline ne put s'empêcher de rougir. Mais s'étant hasardée à jeter les yeux sur lui, elle fut touchée de l'expression de tendre sollicitude avec laquelle il la contemplait, et un sourire d'intelligence qui lui adressa, elle se sentit complètement rassurée sur la discrétion du marquis. Le moment de prendre ses places pour la contredanse étant arrivé, Gérald s'approcha de mademoiselle de Beauménil et lui dit « Je viens, mademoiselle, vous remercier de la promesse que vous avez bien voulu faire à ma mère. Et je suis disposé à la remplir, monsieur, lorsque je saurai… » « Comment ? Ne dansant pas, je vous ai engagé pour cette contredanse ? » ?»« Oui, monsieur. » »« Mon Dieu, mademoiselle, » dit Gérald en souriant malgré sa tristesse. « Il s'agit d'une innovation qui, j'en suis certain, aurait beaucoup de succès si elle était adoptée. » « Et cette innovation, monsieur ?»« Pour beaucoup de personnes, et je vous avoue que je suis du nombre, une contredanse n'est qu'un prétexte de conversation à deux, qui dure un quart d'heure. Eh bien, pourquoi tout simplement ne pas dire « Madame ou mademoiselle, voulez-vous me faire l'honneur de causer avec moi pendant le prochain quart d'heure ?»« En effet, monsieur, cela vaudrait beaucoup mieux pour ceux ou pour celles qui savent causer, » reprit Ernestine en souriant. Aussi ne vous parlais-je que de cela, mademoiselle, et comme pour causer l'on est infiniment plus à son aise sur un sofa que debout, l'on s'assoirait pour cette contredanse causée. Vraiment, monsieur, je trouve l'idée très heureuse. Et vous acceptez? Sans doute, répondit Ernestine en se rapprochant un peu de madame de la Rochégue et faisant à Gérald une place à côté d'elle. Les danseurs et les danseuses ayant alors pris leur place, une grande partie des sièges resta vide. Gérald, n'ayant de son côté aucun voisin, put ainsi parler à Ernestine sans crainte d'être entendu, tandis que madame de la Rochégue, afin de laisser plus de liberté à son protégé, s'éloigna quelque peu de mademoiselle de Beauménil et se rapprocha de madame de Senneterre. Toutes deux, alors, paraissant complètement étrangères et indifférentes à la conversation de Gérald et d'Ernestine, leur donnèrent ainsi la plus grande facilité pour leur tête-à-tête. Jusqu'alors, M. de Senneterre, quoiqu'il lui parût prendre beaucoup sur lui, avait parlé avec une sorte d'assurance enjouée. Mais lorsqu'il fut pour ainsi dire seul avec mademoiselle de Beauménil, ses traits, son accent, exprimèrent le plus sérieux et le plus touchant intérêt. « Mademoiselle, » dit Gérald à l'orpheline d'un ton pénétré dont elle fut tout d'abord frappée, « quoique bien souffrant ce soir, j'ai voulu venir à cette fête pour accomplir auprès de vous un devoir d'honnête homme. » À ces mots, un pressentiment d'une douceur ineffable épanouit le cœur de mademoiselle de Beauménil. Gérald ne voulait pas tromper Herminie. Sans doute, il allait lui apprendre à elle, Ernestine, pourquoi il paraissait conserver des prétentions sur sa main. « Mademoiselle, » reprit Gérald, « savez-vous comment l'on marie une héritière ?» Et comme mademoiselle de Beauménil le regardait avec surprise, Gérald continua, « Je vais vous l'apprendre, mademoiselle, et puis cet enseignement vous sauvegarder de bien des pièges. Une mère, ma mère, par exemple, la meilleure, la plus digne des femmes, cependant, apprend que la plus riche héritière de France est à marier. Ma mère, éblouie des avantages qu'une telle union peut m'apporter, ne s'inquiète en rien ni du caractère ni de la personne de cette héritière. Elle ne l'a jamais vue, car la riche orpheline est encore en pays étranger. Il n'importe, il s'agit de m'assurer, s'il se peut, une fortune énorme, et pour cela tous les moyens sont bons. Ma mère, cédant à une aberration de l'amour maternel, court chez la tutrice de l'orpheline. Là, il est entendu qu'à son arrivée, l'héritière, pauvre enfant de 16 ans, faible, sans défense, ignorant les intrigues du monde, sera entourée, dominée, influencée de telle sorte que son choix tombe presque infailliblement sur moi. Cette espèce d'odieux marché est conclu, tout est convenu, tout, mademoiselle, jusqu'à la manière dont je lui serai présentée par hasard. Tout jusqu'au costume plus ou moins avantageux que je dois porter ce jour-là. C'est puéril, mais c'est triste. Tout est conclu enfin et je ne suis instruit de rien. Et l'héritière, encore à 100 lieues de Paris, ne me connaît pas plus que je ne la connais. Enfin, elle arrive. Alors ma mère me fait part de ses projets, ne doutant pas que je n'accepte avec joie de courir la chance inespérée qui s'offrait à moi. Pourtant, je refuse d'abord, disant, ce qui était vrai, que je n'avais aucun goût pour le mariage, que je ferais sans doute un très mauvais mari. « Qu'importe, » dit ma mère, « épousez toujours, elle est si riche. » Et à un mouvement d'Ernestine, Gérald ajouta, « Et ma mère, cependant, est aussi honorée, aussi honorable que personne. Mais si vous saviez la fatale influence de l'argent ?»« Ma chère, » dit tout bas la duchesse de Senneterre à madame de la Rochegue, pendant que Gérald parlait ainsi à Ernestine, qui l'écoutait avec un bonheur croissant. « Ma chère, entendez-vous quelque chose ?»« Non, » reprit tout aussi bas madame de la Rochegue. « Mais il me semble que la petite écoute Gérald avec le plus grand intérêt. Je viens de la regarder sans qu'elle me voie. Sa figure m'a semblé à la fois émue et radieuse. » J'étais sûr de Gérald. Lorsqu'il le veut, il est irrésistible, dit la duchesse ravie. « La petite est à nous. » Et j'étais assez sotte pour me courroucer de ce que ce misérable macreuse avait eu l'audace de l'inviter à danser. Je vous l'ai dit, mademoiselle, d'abord je refusais de songer à ce mariage, reprit Gérald, et j'avais agi en honnête homme. Malheureusement, les instances de ma mère, la crainte de la chagriner, l'impatience d'une rivalité odieuse, et que dis-je, peut-être même à mon insu, l'appât de cette fortune immense, me firent dévier de la droiture de mon premier refus. Alors, je me résolus de tâcher d'épouser cette héritière au risque de la rendre la plus malheureuse des créatures, car un mariage basé sur la cupidité est toujours funeste. « Eh bien, monsieur, cette résolution, l'avez-vous poursuivie ?» L'entretien de deux amis, gens de cœur, m'a ouvert les yeux. J'ai vu que j'étais dans une voie mauvaise, indigne de moi et de ceux qui m'aimaient. Seulement, il a été convenu que pour donner quelque satisfaction au désir de ma mère, je me rencontrerai avec cette riche héritière, et que, en la voyant, en la connaissant, Je l'aimais enfin comme j'eusse aimé une jeune fille sans fortune et sans nom. Je pourrais à mon tour tenter de me faire distinguer par elle. « Eh bien, monsieur, cette héritière, l'avez-vous vue ?»« Oui, mademoiselle, mais il était trop tard. Trop tard. » Une affection aussi soudaine qu'honorable et sincère pour une personne qui la méritait, qui la mérite, à tous égards, ne me permettait plus d'apprécier, ainsi qu'elle le méritait, j'en suis certain, la personne que ma mère désirait tant me faire épouser. À cet aveu, rempli de loyauté et de délicatesse, car il ménageait l'amour-propre de mademoiselle de Beauménil, celle-ci ne put contenir un mouvement de joie profonde. Gérald aimait Herminie comme elle était digne d'être aimée, et il donnait une nouvelle preuve de l'élévation de son caractère par la générosité même de sa conduite envers Ernestine. Le joyeux tressaillement de l'orpheline n'avait pas échappé à l'observation attentive et désintéressée de madame de La Rochegue. Elle dit tout bas à la duchesse de Senneterre, « Cela va de mieux en mieux. Regardez donc, mademoiselle de Beauménil, comme son teint est animé, les yeux brillants, sa figure enchantée. » En vérité, dit la duchesse en s'avançant un peu pour regarder Ernestine, cette pauvre petite devient presque jolie en écoutant Gérald. C'est le plus beau triomphe de l'amour que de transfigurer l'objet que l'on séduit, ma chère duchesse, répondit madame de La Rochegue en souriant. Je suis sûr que votre fils sera sensible à ce triomphe. Monsieur de Senneterre, dit Ernestine à Gérald, je vous remercie de votre franchise et de vos conseils, déjà plus justifiés peut-être que vous ne le pensez, mais quoique je sois trop heureuse de votre présence ici pour m'en étonner, cependant pourrais-je savoir pourquoi, malgré ma résolution, je suis ici ce soir, mademoiselle? Et mon Dieu! Parce que je voulais profiter de cette occasion, la seule qui pouvait me rapprocher de vous, et me permettre de vous entretenir avec quelques secrets. Aussi, en laissant jusqu'à ce jour ma mère dans l'erreur, j'aurais pu peut-être vous mettre en garde contre bien des projets semblables à celui que j'ai failli un moment me rendre complice. Et peu de gens seront, je le crains, aussi scrupuleux que moi. Votre tuteur et sa famille se prêteront à toutes les intrigues qui serviront leurs intérêts. Quant à votre bonheur, à la sûreté de votre avenir, ils s'en soucient peu. Cela est pénible, mademoiselle, bien pénible. Et il m'eût été doublement cruel de jeter dans votre cœur la défiance et l'alarme, si en même temps, je n'avais pu vous signaler un cœur noble, élevé, un homme autant redouté des méchants et des lâches qu'il est aimé des gens de bien. Et cet homme, mademoiselle, ayez confiance, toute confiance, on l'a, je crois, calomnié à vos yeux. Vous voulez parler de monsieur de Maillefort? Oui, mademoiselle. Croyez-moi, vous ne trouverez jamais d'amis plus sûrs, plus dévoués. Dans le doute, adressez-vous à lui. Il n'est pas d'esprit plus juste, plus pénétrant que le sien. Guidé par lui, vous serez sauvegardé de tous les pièges que l'on pourra vous tendre et qui peut-être vous entourent déjà. Monsieur de Senneterre, je n'oublierai pas vos avis. Un sentiment de vive sympathie pour monsieur de Maillefort avait succédé chez moi à un éloignement dont je suis au regret et que d'indignes calomnies avaient seules causé. « Voici notre contredanse à son terme, mademoiselle, » dit Gérald en tâchant de sourire. « J'ai profité de l'heureuse circonstance qui m'était offerte. Demain, quoi qu'il m'en coûte de chagriner ma mère, elle saura ma résolution. » Ernestine eut le cœur navré en songeant que le lendemain, sans doute, Gérald ferait à sa mère l'aveu de son amour pour Herminie. Quel serait alors le courroux de madame de Senneterre? Son fils préférait une orpheline sans nom, sans fortune, à la plus riche héritière de France. Et quoiqu'elle ignorât la condition que l'orgueilleuse Herminie avait mise à son mariage avec Gérald, mademoiselle de Beauménil sentait de combien de difficultés était entourée cette union. Aussi répondit-elle tristement à Gérald. « Croyez bien, monsieur de Senneterre, qu'en retour du généreux intérêt que vous me témoignez, je fais les vœux les plus fervents, les plus sincères pour que votre bonheur et pour celui de la personne que vous aimez. Adieu, monsieur de Senneterre. J'espère un jour vous prouver combien j'étais touché de la générosité de votre conduite envers moi. » La contredanse étant terminée, plusieurs femmes revinrent prendre leur place auprès de mademoiselle de Beauménil. Gérald salua l'orpheline, et se sentant très souffrant et très fatigué, il se disposa à quitter le bal. Madame de La Rochegue, se penchant alors à l'oreille de mademoiselle de Beauménil, lui dit « Eh bien, ma chère belle, n'est-ce pas qu'il est charmant ? « Oh, madame, il est impossible d'être plus aimable, de montrer des sentiments plus délicats, plus élevés. » « Alors, ma chère belle, vous voilà duchesse de Center. Cela ne dépend plus que de vous. Voyons, dites-moi vite un bon oui. »« Madame, vous m'embarrassez beaucoup, » répondit Ernestine en baissant les yeux. « Bien, bien, je comprends. » reprit madame de la Rochegue enchantée, croyant qu'une chaste réserve empêchait seule Ernestine d'avouer tout d'abord qu'elle voulait épouser Gérald. « Eh bien, ma chère, » dit madame de Center à la baronne en la poussant légèrement du coude, « il lui a tourné la tête, n'est-ce pas ?»« Complètement, ma chère duchesse. Mais donnez-moi votre bras, et allons vite retrouver monsieur de Center pour lui annoncer son succès. »« Ah, enfin, ce n'est pas sans peine. Nous la tenons, cette chère enfant. Voici Gérald, le plus riche propriétaire de France. Quant à nos petites conventions particulières, ma chère baronne, ajouta tout bas madame de Center, je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle exactitude, avec quelle loyauté elles seront exécutées. Je n'en ai rien dit à mon fils, bien entendu, mais je réponds de lui. Ne parlons pas de cela, ma chère duchesse. Seulement, comme madame de Mirecourt a été vraiment parfaite dans tout ceci, ne trouvez-vous pas qu'il serait de bon goût de lui? Mais c'est entendu, dit vivement madame de Center en interrompant la baronne. Rien de plus juste, et nous en causerons. Allons vite retrouver Gérald. Le voyez-vous ? Non, ma chère duchesse, mais il est sans doute dans la galerie. Venez. Puis, s'adressant à Ernestine, madame de la Rochegue lui dit : Nous vous laissons seuls un instant, ma chère belle. Nous allons tout simplement rendre quelqu'un fou de joie. Et, sans attendre la réponse d'Ernestine, madame de la Rochegue donna son bras à madame de Center, et toutes deux se dirigèrent vers la galerie d'un pas assez précipité. Monsieur de Maillefort, qui semblait avoir épié le départ des deux femmes, s'approcha de mademoiselle de Beauménil, qu'il salua, et usant du privilège de son âge, il prit auprès de la jeune fille la place laissée vacante par madame de la Rochegue.